Je salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et nous saluons tout le monde. Et tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je remercie votre humble berger, pasteur. Pasteur Moussoumi. Que Dieu le bénisse. Parce que conduire quelqu'un, c'est difficile. Si vous êtes encore dans la foi, c'est que Dieu vous a donné de bonnes personnes. Que Dieu vous bénisse. Je remercie celui qui m'a cédé la chaise afin de pouvoir donner la parole de Dieu. Et s'il plaît à Dieu aujourd'hui, je peux stopper avec la prédication que nous avions. Je ne sais pas si vous allez accepter que j'aille saluer tout cela avec papa, que je vais passer. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le frère Grâce à Kabukala de Likasi qui a demandé à ce que je suis venu. Sans tarder, je vous invite à nous lever pour lire la parole de Dieu en respectant. Actes des apôtres. Matendo, Yemintume. Chapitre 19. Kominatisa. Verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, Paulo, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, akafika ku Efeso, et a rencontré quelques disciples, il leur dit, na kisha kukutana na wanafunzi pamoja akabaelezea, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et timulipokea Roho Mtakatifu wakati mliamini? Il lui répondit, wakamujibu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Atu ya shikiaka ataba nasema kunikalaka Roho Mtakatifu. Il dit. Wakasema. Akasema Paul. De quel baptême avez-vous été baptisé? Kumbi barimbatiza na baptizo kani? Il répondit du baptême de Jean. Akbakajibu ni baptizo ya Yohani. Alors Paul dit. Pale Paulo kasema. Jean baptisé du baptême de repentance. Yohana baptiza baptizo utubu. Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mukolezea taifa ipate kuamini kwa ule alipasha kuya nyuma yake Yohane ni kusema Yesu. Sur ces paroles. Kupitia pale maneno. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Wakabatiziwa mu jina la Yesu Kristo. Et lorsque Paul leur y imposait les mains. Na wakati Paulo alibatilia mikono. Le Saint-Esprit vint sur eux. Roho Mtakatifu kikaja yulu yapo. Et parlant en langue. Na ikuwa kunasema mungu. Et prophétisé. Na kutabiri. Ils étaient tout environ 12 hommes. Barikuya kadiri ya batu kumi. Mungu ongeze baraka sauti yako mwenyezi ukikala. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous mettre. Préoccupation ya ba mitume wale wa batumishi ya Mungu. Mahangaiko des disciples ou des serviteurs de Dieu. Ni ya kujua eti batoto ya Mungu beko benye kubatizwa na Roho Mtakatifu au hapana. C'est de savoir si les enfants de Dieu sont baptisés du Saint-Esprit ou pas. Puisque Roho Mtakatifu ndio mwisho ya imani yetu. Parce que le Saint-Esprit c'est ça même la finalité de notre foi. Amen. Amen. Kama mwanafunzi anashinda kufika mukipimo ya konja Pentecôte. Si le disciple n'arrive pas à expérimenter la Pentecôte, biko nguvu apate kunyanyuliwa. Il est difficile pour lui d'être enlevé. Puisque mwi dunia, parce que dans ce monde, tuko na chunga événement mkubwa ni kurudia kwa Yesu Christ. Nous attendons un grand événement, c'est le retour de Jésus Christ. Na ashirudia juu avant tout monde. Et il ne revient pas pour tout le monde. Et kuna rudia juu ya bibi harusi. Il revient pour l'épouse. Na bibi harusi ndio shi hapa. Et l'épouse c'est nous qui sommes ici. C'est pour ça qu'il faut commencer déjà par se reconnaître qui on est. Un croyant se reconnaît. On ne dit pas à un croyant qu'il est croyant, non. Que Dieu vous bénisse. Et le Saint-Esprit, on ne l'accorde pas à ceux-là qui sont assis dans les chaises des tabernacles des églises. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui sont obéissants. Actes des apôtres, Matendo ya mitume, chapitre 5, tano, verset 29 à 32. Mstari makumi mbili na tisa kufika makumi tatu na mbili. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. C'est même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Moi, je suis un homme qui est obéissant. Un croyant, c'est un homme obéissant. Moi, minifu ekalak incrédule. Un croyant en amuto kwa mini. Yekona mini nenu ya Mungu yote. Lui croit toute la parole de Dieu. Ataishikie tu lwa kani. Même s'il ne la comprend pas, d'abord il la croit. C'est pourquoi. Jokomana. Sujet trukwa nayo. Le sujet que nous avions. Juma yote. Toute la semaine durant, c'était. L'expérience de la Pentecôte. Onjo ya Pentecosta. J'ai pu vous lire dans le Jubilé d'Azusa, page 4, paragraphe 9. Frère Branham est connaissant Dieu à frère Chakaria. Le frère Branham est en train de parler de Chakaria. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Pentecôte a une azebu. Ce n'est pas même une organisation. Mais c'est une expérience. La qui n'y onjo. Que les hommes et les femmes font avec eux. Il est banaume et banaume qui peut en faire un amour. Que tu sois méthodiste, baptiste et autres. Ou qui est méthodiste, baptiste. Tous peuvent venir. Bon, c'est banaume et faire cette expérience. Quand ils attendent. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Ça va vous imaginer qu'on a tout fait pour y amen. Amen. Et qu'il décide de s'y conformer. Le Saint-Esprit est sur la terre depuis presque maintenant 2021. Quiconque veut peut venir y avoir part. Ce n'est pas obligatoire. Pour expérimenter la Pentecôte, frères et sœurs, vous devez naître de nouveau. Première naissance, c'est comme vaya. Vous savez que quoi qu'on est mauvais. La première naissance est mauvaise. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Comment on a son amour? Si nous lisons ensemble. Jean chapitre 3. Johann et Tatou. Jean 3. Johann et Tatou. Comme on appelle Moutanza, Dieu a gagné le temps, puisque si vous voulez pour gagner le temps, je vais vous verset 1. On va commencer au premier verset. Soit de toi et tout. Commençons. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, le chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et peut-il rentrer dans l'esprit de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus insiste, en vérité, c'est une insistance. On est par la parole et par l'esprit. Banazarikiaka kupitia neno na kupitia roho. Quand vous écoutez la parole de Dieu, wakati unashika neno la Mungu, frères et sœurs, c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu traite avec le cœur. Jokomana nilimieleza sema Mungu yeye anatumikaka na moyo. Amen. Kama moyo wako iko disposé. Si ton cœur est disposé. Ya kupokea neno ya Mungu. De recevoir la parole de Dieu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Mungu atakuwa na vivifier les paroles. Dieu viendra kuleta bougie pour les nains. Bougie pour les paroles. Va vivifier cette parole. Amen. Amen. Nouvelle naissance. Vous allez comme à la pire. Dieu première doctrine, il y a Jésus-Christ. Dieu est ma fondation à Kwanza de Jésus-Christ. Évangile il y a qui à Kwanza, au commencement du ministère, c'est la repentance. Au commencement de son ministère, il quoi ni kutubu. Maintenant, doctrine il y a qui. Ça c'est ma fondation il y a qui. C'était la nouvelle naissance. Il quoi ni kuzari comme à la pire. Bipande bishuke. Quoi qu'il en soit. Kama unapenda kuingia si tu veux bien ufalme wa Mungu inapasha uzarike, il faut que tu naisses. Kuzaliko kwa kwanza kuna bien, parce que la première naissance n'est pas bonne. Amen. Amen. Est-ce que tu pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Eh na kabla tu yaona mambo ya kuzalika mara ya kwanza mara ya pili, nous allons voir la nouvelle naissance. Utaona namna gani tu kunazalika mara ya kwanza. Nous allons voir d'abord la notre première naissance. Parce que vous arrivez quoi quand j'ai beaucoup kubaya. Parce que la première naissance, la manière dont nous naissons n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, comment tu nazarika mal ya kwanza? Voyons d'abord comment est-ce que nous naissons pour la première fois. Vous arrivez quoi mal ya kwanza? La première naissance. Kuko mwanamke na mwanaume. Il y a un homme et une femme. Mwanaume kwa yeye peka siwezi kuzaa. De lui-même, l'homme ne peut pas mettre au monde. Tout comme mwanamke kwa yeye peka siwezi kuzaa. De même qu'une femme d'elle-même, elle ne peut pas mettre au monde. Amen. Amen. Nikusema batabakia seven. C'est-à-dire ils vont rester à ça. Mais kama banapatana. Mais si ils se mettent ensemble, batazaa. Ils vont enfanter. Mwanaume eko na mbeku, semence. L'homme a la semence. Tandis que la femme a l'ovule. Lakini mwanamke yeko na riai. Amen. Amen. Suivez-moi. Nous sommes en train de prêcher par des exemples. Comme une fois par la civilisation. S'ils se mettent d'accord. Semence ya mwanaume ta fécondé au ville ya mwanamuki. Mbeko ya mwanaume italeta bujima kwa ria ya mwanamuki. Ah, unasema italeta bujima. Maintenant, comme inaleta bujima, dani adada ile au ville na kwa fécondé. Mais non, si ça donne la vie et que l'eau ria inaleta bujima. À ce moment-là, mwanamuki anapata bujima mwingine. En ce mwile wakati, la femme a une nouvelle vie. Dani yake. En elle. Et à ce moment-là, Napali, anaanza kudepandre na bule bujima bwenye kwa ndani yake. Elle commence à vivre au dépend de la nouvelle vie qu'il y a en elle. Et na goût ya chakula ita changer. Même le goût de la nourriture va changer. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous avons kula makaole. Kama na munaona hivi anakula mpemba. Beko na dépendre na bule bujima bwenye kwa ndani yake. C'est en dépendance de la vie qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant. Ça. Mu wakati ya kuzala. Au moment de la naissance. Il y a trois choses qui se passent. Premièrement, quand c'est l'eau qui sort. Ni maji kunatoka. Deuxièmement, c'est le sang. Ya pire ni damu. Et troisièmement, c'est le bébé. Ya tatu sasa ni mwenye mtoto mchanga. Na bébé kunazaliwa na buchafu. L'enfant naît sale. Hôpital frère et sœur. À l'hôpital ndugu na dada. Kama kuko fwashi ya buchafu ni maternité. Si y a un endroit sale, c'est à la maternité. Mais na konjo fwashi kunatoka bujima. Mais c'est de là que vient aussi la vie. Tous nous en sommes venus. Amen. Amen. Il y a trois choses. Kokobitu tatu. L'eau, le sang et le bébé. Maji, damu, na mwenye mtoto mchanga. Na goût ina changer. Et le goût change. Atapenda kula vitu ya kuuza. Elle voudra bien manger des poissons. Paka kitu kitoka kurojo kila atakula. Pourri. Et qu'on a dépendre de la bouche. Elle va manger. Atanza kuangalia ni ile maji. Maintenant la deuxième naissance. Maintenant, kuzaliko kwa pili. Il y a aussi la parole. Kuko tena neno. Il y a une semence. Yenye kwa neno ni jimbeko. Luc chapitre 8 verset 11. Luka mnane kumi na moja. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Luc 8 11, je crois. Luka mnane kumi na moja. Voici ce que signifie cette parabole. Tazama mana ya ifumbo. La semence, c'est la parole de Dieu. Mbeko ni neno la Mungu. Amen. Amina. La parole sans le cœur reste stérile. Neno bila moyo aitatoa matunda. Amen. Amen. Et le cœur sans la parole reste aussi stérile. Moyo bila neno nayo aitatoa matunda. Paka vile biko nafanika kwa mwanamke apate kuzala. De même que ça se passe chez la femme pour qu'elle mette au monde. Ni pa moyo kwa frère na sœur anapenda kuzalika mali ya pili na bibi vitafanyika. Il en est ainsi pour le frère ou la sœur qui veut naître de nouveau. Neno ya Mungu ni semence. La parole de Dieu ni mbeko. C'est pourquoi. Njoko amana. Huko kushere. Ala shere. Atupendake kuko natoka sauti yoyote. Nous ne voulons jamais qu'il en sorte n'importe quelle parole. C'est une semence. Kwa sababu ni mbeko. Amen. Amina. Kama ilifo nasema kinti kinenge ndani ya badada. Si tu veux parler quelque chose qui est nécessaire ou dans les soeurs qui naissent. Mais c'est qu'il faut Mungu ibasaidie. Il faut pour enlever cette chose là, il faut nécessairement que Dieu aide. Est-ce que tu pas moya? Est-ce qu'on est ensemble? Alors maintenant, comme un frère, si un frère, ah, oh, soeur, ou une soeur, amédite à nene amour, sincèrement, accepte la parole de Dieu dans moyo wawa qui, roya qui n'a rien à quoi seconder. Son cœur, il n'a pas eu à bouger. Lui aussi dépendra de ce goût là, il est onjo. S'il aimait la bière, il voudra prendre du sucre. S'il aimait toutes les femmes, il aimera seulement son épouse. S'il allait voir des matchs, il ira à l'église. Il ira plutôt chez les frères. Il y aura un changement. Et la nouvelle est c'est une expérience. Je ne sais pas dire où tu dois faire. Tu dois expérimenter. Est-ce qu'on est ensemble? Et non, il va oublier toutes les anciennes choses. Pas tu dis non, je suis né de nouveau. Tu continues à garder les anciennes photos où tu étais dans le débat. Alors que tu vivais avec des prostituées. Non, ça ne t'a pas encore aidé. Le message quand tu dis, tu vas te souvenir des anciennes choses et tu commences à pleurer. Nyonjo. Tu diras, je sais, j'étais vraiment un fort, j'étais un homme, maintenant je suis un homme. Frère, message, je pas dire, oh, frère. Le message nous a aidé, mon frère. Le pantalon, frère, les... Non, nous campons, à l'époque, non, nous étions des grands bois, mais aujourd'hui encore, tu es ce grand bois là. Il faut qu'il y ait aussi un changement de goût. Pour ne pas se croire, tu n'as pas dit, quoi, onjo. Tout ce que Ézéchiel. Lisons ensemble dans Ézéchiel 36:31. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il est wakati. Vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Mutakumbuka ile mwenendo yenu ilikuwa mubaya. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous en prendrez vous-même en dégoût. À cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Amen. Et de même qu'il se passe trois choses chez la femme, l'eau, le sang et le bébé. De la même façon, à la nouvelle naissance, il faut pas une conversion. Il faut que tu fasses à la conversion, vous êtes justifié par la foi. Et vous passez aussi à la sanctification. On est sanctifié par le sang de Jésus-Christ et par sa parole. Et troisième chose, on passe maintenant à la croissance. On est baptisé par le Saint-Esprit pour le service. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il faut que le goût change. Il faut que le goût change. Onjo, il va dire qui. Et les gens verront. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il est kaningio ya mtu leko nafikiri na waza. Page 19. Page 19. Paragraphe 95. Paragraphe 95. Oh oui, oh ndio. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Kaningio ya mtu leko na waza. N'importe qui fait ça. Mtu yoyote anajuaka. Voilà à travers quoi votre âme est filtrée. La parole de Dieu. C'est ce qui produit quand vous passez à travers Dieu. Quand un homme qui réfléchit passe à travers les filtres de Dieu, ça produit en lui le goût d'un homme saint. Oui. C'est vrai. Nikweli. Quand vous passez à travers les filtres de Dieu, alors votre goût est celui d'un homme saint. Ça produit le goût d'un homme juste. Maintenant, le slogan c'est quoi? Certainement, c'est très bien. Si tu commences à goûter les choses de Dieu, expérimenter les choses de Dieu, on va te faire des éloges. Peu importe si les gens disent non, quand on dit pas des croyants, on dira non, ceux-là sont des croyants. Ils ont vu que le goût a changé. Il ne s'agit pas de faire des théâtres. Vous savez que vous avez la nouvelle sens, c'est quelque chose de vrai. Donc, même que nous vivons dans la chair, même dans l'esprit, c'est ça. Le filtre d'un homme qui réfléchit, page 33, paragraphe 163, 164, 165. Dans 165. Page 32, pardon. Page 32. Paragraphe 163. 163. Si vous ne voulez pas vous aligner sur la parole de Dieu, et que votre âme ne le fait pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, ça montre le goût qui est en vous. Hein? Mm-hmm. Tu ne fais pas que tu ne fais pas que et c'est pourquoi qu'il a monté pour une jangaria. Pourquoi chacun doit s'examiner. Je vous sais, la parole de Dieu, c'est un miroir. Il a monté pour une jangaria. Il faut que tu te sondes. Amen. Amen. Oui. Dio. Et cela montre l'ego qui est en vous. Et de quelle espèce est la vie qui est à l'intérieur de vous? Si elle est sainte, discrète, honorable, et c'est ce qui se manifestera à l'extérieur. Ah. Frère Bonhomme, si tu écales à Namoutou 2 ou 3 minutes, moi je ne peux pas vivre 2 ou 3 minutes avec quelqu'un sans savoir s'il est de nouveau ou baptisé de Saint-Esprit. Frère et sœur, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, reviens de ton cœur. Et la Bible dit, c'est l'abondance du cœur. Ni qu'elle qui n'a pas. La parole de Dieu ne va mûrir. Tu ne veux jamais te cacher devant moi. Parce que je suis enseigné, je vais te dire. Quand si tu es quelqu'un enseigné, assurément tu sauras que tel frère est dans tel état. Ou que c'est encore un bébé. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle puise? Et qu'on achète à Nini. Elle puise à travers la parole. Et qu'on achète à copier à Neno. Parce que vous êtes une partie du corps de Christ. Vous êtes un mouille à Christ. De cet âge. Y a été quizage. Si cette parole est en vous. Comment il est Neno condamné? Tout ce qu'elle peut puiser. Y a-t-il un à travers la parole? Copier à Neno. C'est l'esprit. Niro. Qui vivifie cette parole. Il est qu'on allait t'abuser à Neno. Y condamné. Voilà pourquoi raison ya kuyako kukanisa. Jo komana inegalaka sababu ile kunapia. Écoutez la parole. Inyenda na mamyo yetu. Ikesante dans notre. Quand dépôt dans yetu. Et constituer un dépôt au-dedans de nous. Maintenant Mungu atatuma esprit yake. Maintenant Dieu enverra son esprit. Afin de considérer comme ton cœur. Si tu es en Dieu. Il est parole. Afin qu'il puisse, ici il y a la parole de Dieu pour qu'il puisse la vivifier. Que Dieu vous aide. Vous ne soyez pas seulement des croyants dimanche. Faites des efforts. Et nous y arriverons. Et la parole seule ne vivra pas. Je vous ai dit que la parole seule est stérile. Même la Bible. Tu peux la laisser ici des années. L'homme ne croira pas. Bien que ce soit la parole. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour la faire. C'est un livre muet. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse la faire parler. Et que cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Et celui qui est envoyé, il emporte la parole de Dieu. Accepte même toi. Que Dieu bénisse. Nous continuons. Et excusez-moi. Oui. Dio. La parole seule ne vivra pas. Neno peke yayo haitaishi. C'est pour cette raison que Dokomana, tout ce que le Père m'a donné, viendra en moi. Et si je suis élevé, na kama mina nyanyuka, j'attirerai tous les hommes à moi. Mita kokota babu. Voyez-vous? 165. Tout homme qui est un vrai chrétien aujourd'hui, né de nouveau, sait que dès son enfance, à lui ou à elle, selon les cas, il y avait quelque chose en vous qui avait faim de Dieu. Et vous avez essayé d'adhérer à des églises et tout. Na ako et tout le reste, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'était? C'était cette parole. Vous cherchez les filtres. Un jour, vous avez passé devant vous et vous avez vu Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et c'est ça qui a satisfait votre goût. Tout à fait. Ça c'est vrai. Qu'il a un moment où tu allais au Makalisa kwa chana chana, est entré dans diverses églises. Je ne suis pas satisfait. N'était pas satisfait, je suis au choix. Puisque dans la profondeur il y a moyen de nous. Parce que nous vana de notre cœur. Pour rendre votre foi inné, nous n'avons pas ça. Il y a si il cherche cette parole. Parce que nous avons eu cette parole. Vous êtes tout. Il n'a pas satisfait. Notre goût a été satisfait. Comment mon appel à mon tasse, vous devez naître de nouveau. Vous pouvez lire ma oubli, mon appel. Page 35. Nous pouvons lire. Paragraphe 114. Paragraphe 114. Pour naître de nouveau, frères et sœurs, il n'y a pas de raccourci. Hakuna njia ya kupitiria ya kukatirisha mkuu. Mwanchike nirudie mbele kuimi natoka mkusema. Vous devez naître de nouveau, page 15. Paragraphe 41. Excusez-moi, vous allez lire vous-même. Moi, j'aimerais bien... Mais tout ça, même le 114. Lisons dans Makumita Tunatano 114. Mais si vous êtes né de nouveau, Lakini, comment vous n'avez comme la pire? Vous êtes vivant avec Christ. Et vous vous affectionnez maintenant aux choses d'en haut. Et non aux choses du monde. Si vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu, vous devez une partie de Dieu. Et vous êtes maintenant éternel avec lui. C'est pourquoi je dis à rendre conscience. Fournissez vos efforts pour naître de nouveau. C'est ça l'important. Et quand quelqu'un est né de nouveau, alors là il comprend. Il comprend avec son cœur. Il écoute avec son cœur. Mais il comprend avec son cœur. Ok. Ce que je disais, il ne peut pas y avoir de raccourcis concernant la nouvelle naissance. Ok. Page 44, vous devez naître de nouveau. Page 44, Paragraphe 146. Je lirai au milieu là. Les gens veulent les raccourcis pour le ciel en prenant tout ce qu'ils peuvent du monde. Abana. Non. Dieu est saint. Si toi tu aimes, choisis. Amen. Amen. Il y a une voie pour rentrer au ciel. Il y a une voie pour avoir la vie éternelle. Et naître de nouveau. Et personne ne peut naître sans avoir de père. Amen. Amen. Là où nous retrouvons chacun à son père, il connaît le nom de son père. Non. Et si tu nais de nouveau en Dugunada, ton père sera Dieu. Utafanya bintu kufatana na siri ya baba yako. Hata ukichotefika hata kwako. Ah, tu vas me accepter même à la maison. Oui. Dio. Unasema Mungu ni baba. Toi tu dis Mungu. Mawazo yako paka ya mbaya ya kia. Mais tu as toujours des mauvaises pensées, des pensées souillées. Est-ce que Mungu mwenyewe utakunovirishi? Est-ce que le Dieu wa kuchapo? Est-ce qu'il est souillé? Kinyo yako ndio unasema paka mbaya. Ta bouche ne fait que dire. Est-ce que Mungu? Est-ce que le Dieu qui d'abord lui-même il dit ne mangez pas. Il dit aimez même vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Oui. Ils veulent les raccourcir pour les siens. En prenant tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien prendre. Il n'y a pas de raccourci. Venez d'abord en passant par le calvaire. Et je vous ai montré ce qu'était le calvaire. Ce n'est pas la joie. Le sens de la chasse n'est pas de la place. Et nous ne le prenons pas comme les catholiques. Nous connaissons le sens de la croix. C'est la c'est la croix. Nous connaissons la valeur de la croix. Nous savons tout ce qui a été fait à la croix. À cause de nous. Comme nous savons qu'on a oublié cette chose à cause de nous n'allons plus y retourner. Il a été dénudé pour nous. Afin que nous ne puissions pas nous dénuder de pas qui que ce soit. Toi tu es quel genre de croyant? Aujourd'hui tu t'es dénudé devant tu n'as rien compris. Et où est-ce que tu as cru? Et où est-ce que tu as cru? Est-ce que ce n'est pas ça? Croire ce n'est pas venir. Croire ce n'est pas venir s'asseoir sur la chaise. Non, j'ai une vie privée. Ah, vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Ma vie privée est chipotée. Notre vie privée. Quand vous n'y allez pas dans le muco, commence à lâcher jusqu'à là où vous êtes. Tout vivre, c'est que nous sommes en train de prêcher. Venez en passant par l'hôtel des reins. Venez en passant par le serpent des reins. Et mourez réellement. La mort c'est quoi? C'est la séparation. Même à ta mouille. Même dans la vie. Si on dit que quelqu'un est mort, donc il ne va plus se faire. Est-ce qu'elle est honnête jusqu'à non, non, à 15h. Vous pouvez dire non, non, 15h. Mobutu, Moustadi, à Kenya. Mobutu est à l'autre côté. C'est faux. Mobutu n'est plus. Mobutu est à côté. Nous n'allons plus accepter ça. Comment on a mon Christ, sœur et frère? Il faut commencer à dunia. Il doit mourir. La dame n'a pas tourné. Et s'il meurt, il ne va plus se faire voir. Mais on peut te calomnier, mais qu'on ne te trouve pas dans ces faits. Oh, oh Dieu, mon. Pourquoi suis-je incapable de les dire correctement? Mourez littéralement vous-même. Mourez aux choses du monde. Et naissez de nouveau. Amen. Les choses du monde sont mortes. Il n'y a pas de raccourcis. Voyez-vous? Mais ils veulent y parvenir rapidement. Mais ben après d'abord va piquer comme bio. Ils ne veulent pas croître. À la peine de vous commer, hein? Nous croissons dans le Seigneur. Et il faut une croissance et de l'expérience. Amen. Amen. Vous devez naître de nouveau. Page 24. Paragraphe 70. Paragraphe 70. Maintenant, voyez-vous, je vais en venir. Ce qu'est la naissance, kuzarika. La nouvelle naissance. Mourir d'abord. Ni pour naître de nouveau. Si les choses du monde sont encore en vous. Kama vitu vya dunia vingari ndani. Vous n'êtes pas né de nouveau. Au yazarika mala pili. Amije mna ukataria. Est-ce que c'est moi qui t'ai privé ça? Reviens maintenant dans ton cœur. Retourne dans ton cœur. Kama vitu vya dunia vingari ndani yako. Au yazarika. Si les choses du monde sont encore en toi, tu n'es pas encore né. Hein? Ichikata wewe. Accepte. Donc, continuons d'abord. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Après, le prophète 71 a l'exemple. Là dans le paragraphe, de ces jeunes hommes qui vont à la plage, aller se laver en maillot de bain, et disent des choses à l'écart de la Amen. Amen. Mwanamke mwenye kuwa née de nouveau. Une femme née de nouveau. Hata mkuta sana mampenzi kumwacha. Tu vas pas la trouver même avec des faro bizarres. Nous allons à la collation de. Tunaangalia bana mke. Nous avons regardé. Ah, 9%. 99%. Peko pe. Venye kulipenta. Bien marouché, bien. Mampenzi mpenzi. Tout sorte de maquillage. Des chevelures. C'est de la folie. Moi, à cette époque, les femmes, que tu puisses regarder à quoi que tu n'as jamais vu. Que Dieu t'aide. Vous devez naître de nouveau. Vous n'avez pas choisi de camarader. Page 21. Paragraphe 64. Paragraphe 64. Maintenant, venons-en à l'accès à cette naissance. Il y a un accès. Pour avoir cet accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. Comme tout ce qui vit. Tout ce qui doit revivre. Doit d'abord mourir. Et vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Mais vous devez d'abord mourir. Mawazo paka ya ile moya moya. Les mêmes mauvaises pensées. Tabia paka ile moya moya. Les habitudes. Kufwa. Même les maïs, la plupart d'entre nous sont des cultivateurs. Donc, si tu veux avoir plus de maïs, beaucoup de maïs, accepte que tes maïs meurent. Je ne sais pas quand tu sèmes. Est-ce que tu as un peu de pitié de ces maïs-là? Tu enterres ça avec l'espoir que ça va ressusciter et ça va produire beaucoup de fruits. Toi et moi, nous devons mourir. Kama tunakufa. Si nous mourons. Sasa vile wanapanda ndani yetu ni mbegu ya neno ya Mungu. Comme il a été semé à nous la parole de Dieu. Itazala matunda. Ça va produire des fruits. Paka brochure moya moya. La même brochure. Mon page maintenant 25, 75, paragraphe 75. Paragraphe 75. Certains d'entre vous, hommes. Vous ne voulez pas cesser de boire et de fumer. Vous ne voulez pas arrêter de convoiter ces femmes ignobles. À habillé de façon immorale, quand vous les voyez dans la rue, au lieu de vous détourner et de vous éloigner, vous continuez tout de même à les convoiter. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le monde en vous. Cependant, si le sacrifice a été agréé, et vous êtes mort, c'est exact. C'est vous ce que je veux dire? Et comprenez-vous de quoi je parle? Vous êtes déjà enseigné. Le monde a déjà été miné par Satan avec le mal. Celui qui veut mourir, il mourra. Tout en fait, qu'est-ce qu'on en fera? C'est pourquoi tout le sema. Voilà pourquoi. Il n'a pas sa situation. C'est lui qui sera ton grand pasteur. Partout où tu iras, tu seras avec lui. Imani ya Congo papa dia kina ba pasteur. Aita monaka Mungu. Mais imani ya Congo pa Mungu. Mais la foi qui craint Dieu, c'est elle qui verra Dieu. Page 34. Page 34. Paragraphe. Paragraphe. 109. 109. Vous êtes encore colérique, méchant et arrogant. Na wakiburi. Et quelqu'un dit de mal de vous, na mutu akisema kibaya, que déjà vous êtes prêt à vous battre. Unesha kwa tayari kukombana. Est-ce que c'est là être né de l'Esprit de Dieu? Na, non, messieurs, l'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Roya Mungu haitendake vile. Non, apana. L'Esprit de Dieu est humble, Roya Mungu iko nyenyekevu, tempérant, iko ya kuvumilia, iko mpole, et patient. Na, c'est ça l'Esprit de Dieu. Ndio yenye Roya Mungu. Amen. Amen. Mungu tusaidie sibote. Que Dieu nous aide tous. Hakuna mtu anapenda ende kalungue. Personne d'entre nous ne veut être brûlé. Vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez déjà fait à toi et à toi. Oui, hapa ni premier pas. Venir ici ni ndio toi ya kwanza. Amen. Amina. Oh, les balles là-bas, ils fika hapa. Onde mara sana kinzoza kuya hapa. Kilikieni ici. Nilimeonyesha kusema hii nyumba mukambo. Akambo. Il n'a pas ta nyumba yote kwa. Il dépasse toutes les autres maisons. Il n'a pas ta nyumba yako. Il dépasse même ta maison à toi. Peu importe comment tu l'améliores. Nyumba yako ina bien sahi. Ta maison est aussi bonne que celle-ci. Même si elle n'est pas encore terminée. Même si nous étions dans la petite maison, c'était toujours bien. Parce que c'est la maison de la catastrophe. Avec des iniquités, nous en sortons sains. Ce n'est pas de la vie. Il est nos frères. Il n'y a rien dans ton cœur. Et que c'est l'esprit que tu avais cru, non. Comment est-ce que tu as cru? Na ulivyaminia wapi? Et où est-ce que tu as cru? Amen. Amen. Est-ce que tu peux moi? Est-ce qu'on est ensemble? Tu en garde bien le 33 107. Regardons d'abord le 33 107, paragraphe 107. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les eaux de la parole. Et vous êtes séparé des choses du monde. Et vous croyez Dieu. Vous êtes mort. Vous êtes mort à vos propres pensées. Et qu'est-ce qui appartient expliqué? Cette histoire de pensée, je l'ai expliqué encore au Kadir Yajuma. Faites attention avec vos pensées. Oui. Dio. C'est la pensée qui se trouve être la matrice de tout le mal. Tout mal. Avant que l'homme ne puisse commettre, il faut d'abord que ça commence par la pensée. Quand la pensée est en train de te pénétrer, est-ce que tu ne le sens pas? C'est le problème. Je suis imam. Joano wabazimu. Parce qu'il n'est pas un homme. Qui est-ce qui comprend? Si tu ne comprends pas, c'est ton affaire. Tu as été enseigné. Une femme qui est malhabillée. Ne la regarde pas. Je vous ai dit au début de ma foi. Moi, j'ai mis Dieu. Parce que j'ai aimé Dieu. Quand je marchais sur le diable me présentait des mauvais. Il y a quelqu'un qui m'exhortait. Et il m'exhortait, mais regarde un peu. J'ai dit, moi, dans mon cœur, je me dis, je ne veux pas regarder. Il m'a tellement dérangé. J'ai même sorti la voix. Je ne veux pas regarder. Ça n'était fini. C'est un combat. Il n'y vous convie. Toi, je regarde là. On va même te tamponner un jour. Toute femme. Quand elle sort du viol, elle sait qu'elle va tuer des hommes. Elle le sait. Elle va tuer ceux qui viennent mourir. Nous ne tuera jamais. Amen. Nous. Un jour j'étais en train de vendre il y a longtemps. Une jeune fille m'a emprunté du. J'étais venu avec ce pour faire. Cette fille-là était chez sa soeur. On arrive là, elle commence à faire des blagues. Je dis, toi, tu t'amuses avec nous. Amen. Vous voyez comment le diable est en train de vous faire. Il va te dire, non, parce qu'il y a là dedans et il s'est Non, elle ne dépasse pas. Il faut se battre. Il faut d'abord mourir. Il n'a fallu quoi ça pour faire. Mourir à vos propres pensées. Mourir à vos propres idées. Mort à toutes choses. Autre que la parole de Dieu. Elle vit en vous. En faisant son œuvre à travers de vous. Démontra que c'est la parole de Dieu. Vous dites, je suis mort au monde. Je suis mort au monde, frère Banan. Mais vous rejetez la parole de Dieu. Mais vous l'amour. Si nous entendons la parole, c'est pour aller agir conformément à elle. Amen. Amen. La nouvelle naissance est une expérience. Vous allez comme la pire, ni onjo. Comme on appelle la mutation, vous devez naître aidé, si vous allez lire page 14, paragraphe 39. Pour expérimenter la Pentecôte, mes frères et sœurs, il faut maintenant recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ézéchiel 18-31. Est-ce que tu peux m'organiser ça? Est-ce qu'on est ensemble? 18-31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Rejetons l'esprit, l'ancien esprit, l'ancien cœur et l'esprit, l'ancien. C'est avec quoi nous sommes nés. Toute notre ancienne vie, elle doit sortir. Que nous puissions avoir un cœur nouveau. Laisse que Dieu pénètre dans ton cœur. Le secret de laisser Dieu entrer dans son propre cœur. J'avais déjà dit, si dans la maison il y a des souris, élève un chat. La solution contre les rats, c'est le chat. La solution contre le péché, c'est la parole. Oui. Dio. Accepte la parole de Dieu. Si il y a un frère, amini. Crois. solution est bouba yabote. La solution est qu'on est sous sa cause. Ou à couler chez Paris. Comme sauveur et c'est fini. Chaque fois que calcul comme en Zambie. Nous ne faisons pas de calcul par rapport au péché. Venez à moi tel que vous êtes. La parole dit Moukoué Kouang, vous faites un filet mouiko. Quand j'arrête d'abord, je viendrai dans votre église. Tu vas attendre longtemps. Hakuna namna nyingine ya kuisha tumbako kama inakuamini. Daridi avec la cigarette. Oh, je vais payer. Oh, je vais payer. Tu vas te faire seulement des kilos dans tumbo. N'accepte. Dawa ya kuisha bubaya bote. Le remède contre le mal, c'est de laisser la parole de Dieu faire. Atenda kuluma. Même si ça te fait mal. Dawa yote ya kutunzana inegala kwa na guya mbaya. Tout médicament pour qui soigne a toujours un mauvais goût. Supporter ineno na leo. Supporter la parole jusqu'aujourd'hui. Donc vous êtes des enfants de Dieu. Même ça, tu n'as pas supporté une énorme parole. Acceptez et supportez cette parole jusqu'aujourd'hui. Nous sommes des parfois, enfants de Dieu. Parfois, on va sortir d'encore des plus durs. Parfois même, tu t'absents. Tu te dis, mais comme tu es un enfant de Dieu, Dieu te condamne. Il faut nécessairement que tu viennes. Laisse que Dieu pénètre ton cœur. Dieu va t'aider. Ézéchiel 36. J'avais un frère qui était militaire. Mais après, il a cru. Un jour, ses amis sont venus lui rendre visite avec des cigarettes. Ils lui ont donné des cigarettes. Qu'est-ce que tu as fait pour arrêter avec la cigarette? C'est yes. Il a dit Jésus. Oui. Dio. Suivez Jésus. Si on veut exhorter gens, n'allez pas avec des insultes. Si tu sais que tu sens que tu n'as pas pu exhorter les gens qui viennent, arrête. Oh non, venez. Il ne faut pas rester à la maison. Oh, cette prostituée, mais tu as commis une erreur. Regarde comme il est en train de prendre la bière. Il va mourir. Non, ça c'est... Donc si tu étais comme une abeille, comme un... Qui dira qu'il a été né, il est né de cette façon? Sinon, si tu veux. La parole de Dieu. Nous allons dire. Personne ne peut se vanter dans le quartier. C'est la grâce de Dieu. Nous étions des porcs. Nous étions des chiens. Maintenant aujourd'hui nous sommes des hommes. Paul en a ce même homme sans Christ. Paul le dit, nous ne vivons à Christ, nous montons Nyama. C'est maintenant que nous sommes devenus des hommes. Vous devez naître de nouveau. On n'a pas changé comme à la pile. Page 16. Dieu a gagné le temps. Afin de gagner le temps. Bon, mon paragraphe 44. Dans le paragraphe 44. C'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. S'il ne sait pas lire les plans, il est inutile de laisser de construire cette maison. S'il ne comprend pas les plans. Et d'autre part, s'il comprend les plans, il saura alors comment bâtir la maison. C'est comme ça, il en est de l'édification du royaume de Dieu. Vous devez d'abord comprendre le plan. Et vous ne comprendrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau et que vous rejetez ensuite le plan, vous n'avez pas né. Il y a un endroit où le prophète dit tous, nous sommes les mêmes méchants. Ok, c'est le verset la page 41. Et bien maintenant, ça. Un homme Mout. Ne peut en sauver un autre. Jamais. Bien que ce qu'elle essaie de dire ne change rien. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Peu importe combien il est intelligent. Peu importe son office. qu'il soit pasteur, pastori, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut en aucune façon sauver la vie d'un autre homme. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même pécheur. Et né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde, en proférant des mensonges, c'est un menteur pour commencer. Alors c'est pourquoi Dieu a élaboré le plan de salut pour l'homme. Et ce plan, c'est Dieu lui-même, sa parole. Donnez-moi Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. 36-25. Je prendrai sur vous, pardon, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Amen. Amen. Au courant de la semaine, il s'est marqué. Toi qui es sale, ça ne pourra jamais te purifier. Namai, inaleta mfano ya neno ya Mungu. Et l'eau est un type de la parole de Dieu. Mkambo ve mujima. Dans tout Kambo. Nya pa njo fe ko mai. Nya kisi ki. Adiri sa pe tu ko nayo. Nous ne l'inventons pas, nous l'avons. Moni mwimbo murimba. Regardez la. Regardez la cantique que vous avez. La Bible se tient comme un rocher ferme. Kama unatafuta kumua mu Kristo mutoshi mu Biblia. Si vous voulez tuer un chrétien, sortez-le de la Bible. Biblia. La Bible. Mai takatifu ya Mungu. C'est l'eau pure de Dieu. C'est ça même qui nous sanctifie. Ne manquez pas de venir l'écouter, ne manquez pas de venir vous laver. Continuons. Et je vous purifie de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Je vous donnerai maintenant un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Oh là là. Oh là là, oh là. Que Dieu soit loué. Quoi dada? Quoi frère? Chez le frère de la sœur. Dieu donnera un esprit nouveau. Dieu donnera un esprit nouveau. Il mettra la loi et tout. Il ne dira pas, ne fais pas ça. C'est cet esprit-là qui lui dira. Ne fais pas ça. Ne regarde pas ce qui. Ne prends pas quelque chose qui ne t'a pas fait. La nouvelle naissance est une réalité. Amen. Amen. Il faut d'abord que toi-même tu puisses expérimenter. Maintenant. Ça. Pour expérimenter la Pentecôte, mes frères et sœurs, il faut maintenant têter la parole. Il n'y a pas ça, ça, ça, kunyonya neno la mort. Oui. Dio. Bébé comme un Nazarik. Un bébé quand il naît, il tête. Est-ce que nous sommes ensemble? Et tu pas moja. Bébé ou à premier jour. Un bébé du premier jour déjà. Il va pleurer. Mwenye kuyo ya kuseme akama. Ni ndani ya maisha ya mama. Que c'est dans le sein maternel. Qui a ma vie. Et tu kata wefre. Accepte. Mais ça m'a bébé à mais si le bébé ne tête pas. C'est-à-dire qu'il est mort, il est né mort. C'est un mort né. Maintenant, ça. Si vous voulez expérimenter la Pentecôte, Amen. Amen. Demandez au médecin. Mais qu'on allait ma chaoure, ma soeur. Il donne des conseils. Il a poussé ma cama. À pas n'a pas mourir déjà. Ne lui donne pas ta déjà. Non, ne lui donne pas ta déjà. Donne-lui seulement le sein maternel. Mourir là. Dans le sein maternel, il y a toutes les protéines. Il y a toutes les protéines. Amen. N'agia pas. Nous avons El Shaddai. Nous avons notre El Shaddai. Il y a deux. Amen. Amen. Amen. Tunakuya, tunapane tunyonyeshe kwa Ancien Testament. Tunaweza kuleta na Mungu. Twende mwa Ezekiel. Mnanyonya kwa Ezekiel. Tunaweza mwa Nouveau Testament. Unanyonya kwa. Tunaweza mwa Nouveau Testament. Vous tétez. Unaona badada, beko na santé spirituelle. Pas près qu'on a santé spirituelle. Ils ont la blessure de qu'on anyonya. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tétés. Moi, mes frères, mes sœurs, abanyonye régulièrement. Ils ne sont pas beko na qui tétent pas régulièrement. Ils ont les croix au corps. Attends, mwitike. Vous tétez qu'à beko manyumba. Même à la maison. Nous, il y a Kiruna Telimouk. Ah, les cheveux spirituels sont en train de Ils n'ont pas de santé. Au moment où on nous donne le Saint Matin, toi tu es en train de déambuler dans le monde, tu n'auras pas de santé. Tout ça. Lisons. El Shaddai. El Shaddai, Mambiri. Page 14. Page 14. El Shaddai. El Shaddai. Paragraphe 40, j'ai gagné le temps. Paragraphe 41. Pour gagner le temps. Eh bien, quelle promesse Abraham, qui avançait en âge, sa force en est allée. Et pendant les 25 dernières années, il m'a fait confiance. Quel témoignage. Amen. Amina. Il faut naouer comme un monde frère, pas que tu vas mais elle est mon soudir. Ah, en tout cas, il vaut mieux que Dieu puisse faire témoignage. Maintenant, j'aimerais te dire ce que mon nom. Je m'appelle celui qui a destin. Celui qui est fort. Majiba Mbi. Celui qui est fort. Ule mwenye kwa na nguvu. Et je suis le porteur des saints. Maintenant, observez. Ce n'est pas le Dieu qui est un saint. Mais c'est le Dieu qui a des saints. À la fois pour les pieds et pour le corps. Il a été blessé pour nos péchés. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le porteur des saints. Qui est fort. Le donateur de la force. Le tout-puissant. Mazembe n'est pas le tout puissant. Mazembe ana tout puissant ata. Oh mi ata bana ubiliye. Oh ben pour Dieu fait chaque fois. Mazembe n'est pas le tout puissant. Mazembe ana tout puissant pas. Le tout puissant c'est le Seigneur Jésus Christ. Tout puissant, ouais, yote ni Mungu Bwana Yesu Kristo. Tout puissant va mouine. Qu'on puisse gagner le tout puissant. Hein? Si on ne pas mais Jésus va ta mouine. Mais Jésus on ne va jamais le gagner. Par exemple, Mufan, prenez l'exemple d'un petit bébé qui est faible bébé ni ya et qui a été renversé et qui se meurt. Na la mère, na, la mère prend le petit bébé dans ses bras. Elle le porte à son sein. Ka kurijiba. Et le petit pleure et crie. Na ule mtoto na dès qu'il se met à têter sa mère, que fait-il? Il tire de sa mère la force la à son propre corps. Et il arrête maintenant de crier. Et il se met maintenant à rire. Et il est content. Frère. Toi, tu prétends être né de nous. Tu t'aides combien de fois par semaine? Moi, je ne te juge pas. Réponse, la réponse, tu l'as dans ton cœur. Ah. Huko na maafari ndio privé yako wewe. Ah, tu as seulement tu peux. Wewe mwenyewe ndio PDG, wewe mwenyewe ndio journal. Ni toi le même. Nini za kuzuiza waache kushika sauti ya Mungu? Tu peux venir écouter la parole de Dieu. Na unaweza kwenda ku mbingu? Et tu penses aller au ciel? Ku mbingu au tende vile unaenda kulikasi? Au ciel tu n'iras pas comme tu vas au ciel à l'ikasi. Ah, utafika sa kwako. Ah, tu vas suivre même chez toi. Ku mbingu kuko ma processus. Il y a un processus mandamano fulani ya kufuata. Jésus, alors c'est vous devez, c'est yes, obligatoire. Il m'a pas choix, vous n'avez pas choix. Hein? Tenez-les. Continuons. Et Dieu, Namungu, lorsqu'un Namungu, croyant, vous page 15, page 15, El Shaddai, il y a 1959, 1959, et lorsque Dieu, na wakati Mungu, et lorsqu'un croyant arrive à s'emparer, de la promesse de Dieu, Dieu, à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Et ce dernier est content. Pendant maintenant qu'il s'est rétabli, alléluia, le croyant tête la parole. Les porteurs des saints, les nouveaux et l'Ancien Testament, ils têtent la promesse de Dieu. Et pendant qu'ils croient la promesse de Dieu, pour la guérison, pour les salis, peu importe ce que c'est, il est couché à la poitrine de Dieu, tout aussi content que possible. Il tête l'Ancien Testament, il tête aussi le Nouveau Testament. Voilà. Un enfant de Dieu né de nouveau. Jo mtoto wa Mungu mwenye kuzalika mara ya pili. Pendele mshiki. And continue. Et personne ne peut L'ôter de là. Il s'y accroche. De toutes ses forces. Et puise de Dieu la force pour son propre corps. Alléluia. Dieu est où est mon frère et soeur? Notre force à nous, c'est la parole. Parce que tu as une conscience. Savez ce que c'est la conscience? C'est témoin gênant. Vous savez, quand nous entendons la parole, nous tétons. Nous avons la force. Quand nous allons à la cité, le fait de rejeter le mal, la force diminue. Oui. Il faut que demain on vienne encore pour charger. Tu vas encore à la cité, tu es déchargé, tu viens à la recharge. Maintenant le téléphone, si on le télécharge, n'est-ce pas qu'on dit qu'il est Lobat? Nous avons des frères Lobat et des sœurs Lobat. Qui ont besoin d'un Il faut que tomber. Comment est-ce que tu es tombé? Tu étais à la moto. Tu voulais tomber? Accepte maintenant. D'autres c'est à la maison qui accepte. Notre remède c'est venir. Si vous avez, paragraphe 42, si vous avez été la femme la plus méchante de ce pays, si vous avez de mauvaises réputations, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous emparez de la promesse de Dieu, si vous la saisissez et vivez de cela, Dieu déversera sa force en vous. Au point que vous deviendrez une sainte. Et que tout le monde saura que vous êtes une chrétienne. Pas compliqué. Venez seulement. Continuez à têter. Attendez pas en vous. Vous. Il va vous donner de la force. Qui veut avoir de la force? Et comment vous pouvez dégager? Si tu veux passer ton affaire, tu seras un frère Lobat. Et une sœur Lobat. Et il sera même difficile pour toi de dire oui, amen. Dire amen. C'est ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni n'a ni Le salut, nous savons reconnaître quelqu'un qui est sauvé. Même s'il est, il peut même nous mettre à battre les mains. S'il n'est pas sauvé, c'est un patron. Ici, il n'y a pas de patron. Ah, papa n'a pas patron. Patron, oui, c'est le Seigneur Jésus. Notre patron, il voit Jésus. Ok. Dieu. Ok, je continue. Na Et maintenant, vous avez les douleurs de la croissance. Vous êtes en train de sortir de cela. Les porteurs de saints, les donateurs de la force, de tout puissant. Ô Abraham, tu es comme un petit bébé. Et il n'y a pas de vie dans ton corps. Ton corps est pratiquement mort. Mais je suis le porteur de saints. Empare-toi premièrement de ma promesse et puis continue seulement à têter, à têter, à têter, à têter. Abraham, il a têté pendant 25 ans et nous ne pouvons pas têter pendant 10 minutes et ensuite nous dire seulement c'est Abraham, alléluia. Non, monsieur, je suis la promesse d'Abraham, la semence d'Abraham. Emparez-vous de la promesse de Dieu. Tenez-vous à cela. Restez simplement là. Têtez celui qui satisfait. Frère, Ne pensez pas que c'est de la blague. Hein? Venez têter la parole de Dieu. Dieu va vous aider. Maintenant. Sache. Pour expérimenter la Pentecôte, frères et sœurs, il faut croître. Au ciel, il n'y aura pas de bébé. Amen. Amen. Vous avez les bébés. Même chez les pentecôtistes, il y a des bébés. Parce on prêche à la croix, il y a des bébés. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Pour nous qui croyons au message de l'heure, c'est de croître et d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça notre billet pour le ciel. Le ciel est un pays étranger. Tout pays étranger. Il faut quoi? Un passeport ou un visa. Et conditionné par un passeport et un visa. Amen. Amen. Comme on a peine à consommer, nous n'avons peine à t'attendre. Nous sommes 2 Pierre, chapitre 3, verset 17 à 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Mais t'assommons, vous devez naître de nouveau. Je vais lire, on n'a pas sauté. Page 46, paragraphe 150. Paragraphe 150. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Mungu ni bariki sana. Dieu vous bénisse. Ni moi et Dieu va candidat pour qu'on d'accord. C'est vous les candidats pour. Vous choisissez bien. Ne pensez pas à autre chose, à d'autres. Il en est ainsi pour beaucoup de gens. Ville Dieu va tout va mingi. Ils sont trop de comédies. Beko na mamichezo ya mingi. Sans la parole derrière pour soutenir cela. Bila neno nyuma yayo Dieu va faire mukomeye. Oh, il a dansé en esprit hier. Frère Branham. Il est en ordre. Non. Pour moi, cela ne fait pas qu'il soit en ordre. Non, messieurs. Il doit d'abord croître. Il doit être éprouvé. Il doit être testé. En croissant. Jusqu'à l'atteindre. Et à mûrir. Amen. Amen. Il doit être testé, éprouvé. Na kupimo wa kabisa. Auta amini bila kukwe ma test. Ya imani yako. Non et non. Hapana, hapana. Hata kuma somo. Mema l'école. Mwalimu ataanza kufundisha mtoto. Le professeur va enseigner l'enfant. Du début à la fin. Bila exercice. Sans exercice. Bila devoir. Sans devoir. Bila interrogation examen. Sans interro ou examen. Et comme ça mon connu. On est là comme test. Il y a des tests. Il y a coupé ma capacité intellectuelle à mototo. Pour évaluer la capacité intellectuelle, vous voyez qu'on a ici à qui le tableau. Il est vu qu'on a ici à qui i. Il est maintenant seulement côté intellectuel. Côté intellectuel. Côté intellectuel. Dieu a couru à mototo. Est-ce que est-ce pour savoir si c'est cet enfant. Bien qu'un imbécile. Bien qu'il est un imbécile. Bien doué, ou bien quoi, bien intelligent, bien sage. Il faut qu'il va tester. Il faut que nous ayons été testés au moyen de sa parole. Et Dieu nous teste pour pitié en nous like. Couillon il faut y avoir image. Connaître le niveau de sa foi, comment il est. Est-ce que c'est pas moyen? Est-ce qu'on est ensemble? Les jubilés d'Aziza. Les jubilés à Azusa. Les jubilés d'Aziza. Jubilés à Azusa. Pas 6. Pas 6. Paragraphe 14. Paragraphe 14. T'as somme mon kachikachi. Il y a 1956. Nous en sommes juste arrivés à la fin. Je crois que nous sommes au bout du chemin. En attendant à la venue du Seigneur Jésus, je pense que la chose suivante que nous attendons, c'est le rassemblement de tous les peuples de Dieu tirés et celui des différentes choses qu'ils ont tenues en captivité. Par exemple, certains principes moraux de nos églises. Il y a des années, Madame McPherson se tenait à cette chair. Et d'autres gens se tenaient ça et là. Ainsi qu'un homme de couleur. Qui était borgne. Et il prêchait l'éveil évangile. Il y a un zaman. Les hommes et les femmes vivaient pieusement. Et des grandes choses se produisaient. Mais aujourd'hui, nous avons laissé tomber les barrières. Oui. Et nous sommes entrés. Et si seulement nous laissons Dieu entrer dans chaque cœur, cela commencerait un réveil. Tel que les journaux les publieraient d'une mère à une autre, d'une côte à une autre. Et ce serait le retour aux anciennes lignes de démarcation. Le diable aujourd'hui a rendu beaucoup de croyants captifs. Il y a des années, c'était un péché pour vous femmes de vous couper les cheveux. Mais aujourd'hui, les femmes pentecôtistes, ressemblent juste aux femmes de la rue. Si tu es fatigué, arrête, non? Et tu as ta voix, frère? Accepte en même temps. Teinture! Oh, la teinture. Ça va faire quoi? Que Dieu nous aide seulement. Juste comme les femmes de la rue. Maintenant écoutez, on ne peut plus faire la différence maintenant. C'est vrai, dans l'ancien temps, c'était l'habitude. Et c'était un péché pour les femmes de se maquiller. Mais aujourd'hui, vous ne saurez pas distinguer la pécheresse de la sainte. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Ma peine, tu vois, j'y ose. Des maquillages partout. Et tu as fait des rouges aux lèvres? Avec des rouges aux lèvres? Pas du tout. Retournez à l'ancienne ligne de démarcation. Retournez à la vraie Pentecôte. Il est temps de rentrer. Tu vas rien perdre. C'est le temps de grâce. Retournez à l'expérience d'Aziza. Retournez. C'est vrai. Et puis, certains d'entre vous prédicateurs qui laissaient tomber les barrières, et certains d'entre vous hommes, et bien vous savez, j'ai honte de vous. Pourquoi? Tout homme qui s'est dit enfant de Dieu, né de nouveau, qui laisserait sa femme se comporter et agir de la manière dont les pentecôtistes ma nouvelle lumière. Laisse leur femme agir aujourd'hui. Cela montre que vous n'êtes pas un véritable homme. Vous êtes un mouillé. Tu sais très bien que tu es un peu de ta femme. Elle était sombre, mais aujourd'hui, comment elle est devenue claire? Toi, tu es une poule mouillée. On est qui vous coûte. Oh, c'est la chaleur. Si tu veux, je vous coûte. Mais nous sommes sombres, mais pendant la chaleur. Tu vois, le jour où elle va se faire. Tu ne sauras plus te la regarder au visage. Tu vois, tu es comme un caméléon au visage. Tu es chicata quoi? Tu vas accepter même chez toi. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un appel à retourner au baptême du Saint-Esprit, à l'ancienne mode. Les gens retournent encore. C'est l'exacte vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, oui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la vérité, frère. Cela peut brûler un peu, mais je préférerais être légèrement brûlé ici plutôt que d'être consumé. si le diable vous a rendu captif, ce n'est pas de jubiler. C'est le temps de revenir encore à l'expérience, à la vieille expérience. Revenir à la vieille Bible. Revenir au point où nous pouvons ressentir la puissance de Dieu, se mouvoir en nous. Et c'est là qui appellera les hommes et les femmes à l'autel. C'est là fera qu'il y reste toute la nuit à prier, face contre terre, à rechercher la délivrance. Amen. Quel temps. Oh, ni... Retournez de nouveau à l'ancienne ligne de démarcation. Retournez à la Pentecôte. Tous ces événements qui se passent dans le monde, ce sont des signaux rouges. Qui clignote. Ni moi je vais vous vomir là. C'est à vous de le découvrir. Il y a des événements qui se passent dans le monde. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et tu attends d'aller au ciel. Ce qu'il nous faut faire, c'est nous débarrasser de beaucoup de nos futilités pathétiques et retourner à la Bible. Retourner au Saint-Esprit, à l'ancienne mode. Retournez au point où les hommes et les femmes paraissent, agissent, marchent comme des chrétiens. Il faut que les chrétiens se comportent comme des chrétiens. Tu vas monter dans l'église. Toi, tu es un frère. Je ne sais même pas comment... Toi, tu es une sœur. On est comme un chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Pourriez-vous penser que je suis un peu excité et que je suis un peu fou? Mais je vous assure que j'aime bien être ainsi. Il y a un temps, alors que j'ai parcouru le riz ici à Los Angeles, j'ai vu un homme qui portait un écriteau. Par devant, il était mentionné, je suis fou de Christ. Et par derrière, il était écrit, de qui es-tu fou? Et si je préférerais simplement être fou de Christ, plutôt que d'être fou à n'importe quel moment, fou du diable. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont des fous de diable. Moi, ma jeune frère. Vous, les jeunes frères. Évitez à voir là, ma pantalon, ma kanga d'adi. De porter ces kanga d'adi là. Oui, frère. Moi, de... Tu n'es même pas un grand jambe. Mais une petite jambette comme ça, tu vas porter le kanga d'adi par-dessus. Et tu es un frère. Tu vas même faire rétrécir un pantalon. Honte à toi. Amen. Un chrétien ne peut pas ressembler au monde. Amen. Vous laissez votre chez vous tranquille. Laissez vos visages tranquilles. Attends, que l'on dise que vous avez vieilli. Moi, vous protégez. De l'autre côté, vous n'allez pas perdre. Un chrétien n'est pas un homme de Dieu. Il doit vivre ce que l'on dit. Un chrétien a des oreilles. Un chrétien a la possibilité de rejeter le mal. On va te surcharger des poils, des chèvres, des chiens, des lutins. Tu sens que ça chasse pendant la chaleur, tu commences à frapper dessus. Il n'y a que le fou qui se frappe. Tu ne les voyons, non? Quand on va même sur la route. Ça c'est lui. Mais je n'ai pas de moi et de moi. Quelqu'un qui ne sait pas, il est sale. Mais c'est les femmes propres, c'est celles qui sont ici. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu ne peux pas manger. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ministre. Ça, il n'est pas salé au Tumishi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il n'est pas salé au Bantu Nabadada. C'est cette unique chose. Le baptême du Saint-Esprit. Nous avons atteint la fin de notre voyage. Tout voyage. Quand nous commençons à atteindre la fin, il semble que les gens se fatiguent. Mais persévérons. Il nous faut nous serviteurs de Dieu faire arriver ce peuple au baptême du Saint-Esprit. S'il n'y arrive pas, c'est que vous avez fait un travail vain. Le diable est entré dans notre église et nous a rendu tous formalistes, et indifférents. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Un appel à retourner. Ce qu'il nous faut, c'est encore un rassemblement à l'ancienne mode. Le retentissement du jubilé. Et l'effusion du Saint-Esprit. Le déversement de l'Esprit. Amen. Amen. Amen. Certainement, c'est bien là une raison pour revenir aux réunions de prière. Tu n'es pas né de nouveau. Même pas baptisé. Vendredi. On t'a mis la seule journée de vendredi pour la prière. Même pas. Qu'est-ce que tu cherches? Vous savez qu'ils viennent seulement nous accompagner. Tout cela, il y a des années comme le jour de l'enlèvement, ils n'iront pas. Je vous avais dit enlèvement pour radio. Que nous n'allons pas suivre l'enlèvement à la radio. Non, nous allons y participer. Et si nous allons, les gens qui vont rester, nous resterons avec nos nouvelles. C'est vrai. Nous avons simplement commencé à suivre la mode. Comme le monde. Agir exactement comme le monde. Et cela est arrivé à cause de la télévision. Ah. Du fait de rester à la maison. Et s'éloigner. Du fait de rester à la maison. Le soir. Pour regarder la télévision. Au lieu d'aller à la réunion de prière, vous regardez les kofis et autres. Et toutes sortes de sottises. Restez loin de la parole de Dieu. Restez loin de l'église. Ça c'est vrai. Ma télévision. Ma téléphone. Les téléphones. Ça va mal te conduire. D'autres puisqu'il y a les matchs de quoi. Il reste à regarder le foot. Parfois il va regarder seulement les films. Au lieu de quoi maombi, au lieu de quoi couvrir, au lieu de quoi ougnonye, au lieu que tu viennes te têter. Je vous l'ai dit, frère, c'est ça la raison. La télévision. Vous savez bien que c'est la vérité. Que Dieu nous aide aujourd'hui à revenir à l'expérience de la Pentecôte, à l'ancienne mode. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais beaucoup de ces choses sont arrivées parce que les pasteurs aussi, ce n'est pas le Christ. Suivez d'abord les pasteurs. Et beaucoup de ces choses arrivent parce que les pasteurs aussi laissent tomber les barrières. Et c'est tout à fait vrai, laïque. Vous n'acceptez pas. Ceux qui sont là, ils sont. Amen. Bon, mambo yabo va passer les mingi. Il pas qu'à tomber sur eux. Amaïndeleo. Apana. Pouendele à ses biens. Couton à ses biens. Est-ce qu'il va lever qu'on a tort? Qu'on a Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? C'est le problème. Je m'en. Tiens, ton catalogue tout. Non, nous ne faisons pas de faire des offrandes. Mais nous devons avoir le Saint-Esprit. Et je vous ai même dit que cette maison va rester peut-être une maison de l'année. Et ça aussi, c'est quoi ma voisin? Il se peut peut-être que ce soit pour des gens qui n'ont pas bien construit. Je ne vous décourage pas de construire. Mais vous pas de moya. Oh, si Dieu nous contribue, oui, c'est nous qui contribuons à l'église. Est-ce que j'ai mal parlé? Ça? Nous construisons afin de vivre à l'aise et rester à l'aise. Bon, mais la parole, mais la te préparer. Mais que nous pour être ailleurs. Pour être prêt. Tu as voyage. Pour le voyage. Voyager quoi, quoi. Le voyage est là. Il n'y a pas sa formation. Ça, c'est un lieu de formation. Amen. Amen. Oui, messieurs. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un jubilé qui amène à faire les choix, qui appelle à sortir. Un jubilé qui fait sortir. Un réveil à la tienne mode. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est vrai. Ces pêchières pleurant chemin faisant vers. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour ramener une véritable expérience de la Pentecôte. Nous en avons encore besoin. Que Dieu vous bénisse. Puis la même chose. Nous allons incliner nos têtes. Si Dieu est comme un Koukodad. Je ne sais pas si un frère ou un Mdoukou. Où l'on appelle expérimenter Pentecôte. Vous expérimenter la Pentecôte. Où l'on appelle en ailleurs pas te baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi avoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, Moutine Abonnes Christ. Pour le pardon de tes péchés. Je veux assamer à Mazambi. On appelle donc toi à Maïcha Yako quoi Yesu. Je veux offrir sa fille à Christ. Vous allez que m'aller à fille. Naître de nouveau. Na onge na yo baptise à Rome Takatif. Et vous expérimentez le baptême du Saint-Esprit. Tu es au milieu de nous. Na joie comme Mungu na semeshia na roho yako. Et tu sens que Dieu a parce que Mungu na tumikaka na moyo. Parce que Dieu a te travaillé. Comme on a besoin de moyo. Si tu es touché par le Seigneur. On appelle donc baptiser Mumai. Et tu veux être baptisé. Pour attendre na manjiko. Conformément aux Écritures. Mets ta main en l'air. Ça combien à Mungu. Nous allons prier pour toi. Nous allons te dire quoi faire. Si tu es là, tiens-toi debout. N'aie pas honte. Peut-être que tu es à l'extérieur. Et tu sens que cette parole t'a touché. Que tu es un enfant de Dieu. Tu veux aussi croire. Jésus-Christ comme ton sauveur. Shimama. Tiens-toi debout. Et viens devant. Kuya kumbele dada usitite site. Kuya kumbele dada kuya. Kuya dada Mungu akubariki. Tuna dada moya. Na Mungu wetu pewe sifa. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Kuamini ni kuswa na moyo. Croire c'est être touché par le cœur. Est-ce qu'il y a quoi mwingine? Est-ce qu'il y en a un autre? Usishikie haya. N'aie pas honte. Jukomo namshikia Mungu haya. Sasa si haya kushikia kambele ya malaika. Si haya honte de toi. Pourquoi on y a voulu? Le salut est gratuit. Si tu es dans l'autre salle, viens de ce côté. Non, si tu crois et tu mets dans le c'est honteux. Non, ce n'est pas honteux. Mettre ton doigt à l'air, c'est une décision. Il faut watcher la vie du monde aussi. Si tu y es, tiens-toi debout et viens devant. Les diacres te diront quoi faire. Et si tu ne mets pas ton doigt dans le pole. Pendant ce temps, la chorale chante. Nous attendons. Nous attendons. Nous attendons. Maintenant que je suis en Zaman. Maintenant, nous les anciens. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu dit. Accente, tu n'as pas la date de Wapiri. Que notre Dieu soit glorifié. Mungu est appelé Zifa. Que Dieu soit glorifié. Comme beaucoup de gens qui sont arrivés à Telewa. Il y en a un autre venu. Notre le monde n'est pas à nous. Ne dis pas, oh, je suis encore jeune. Accent, Mungu apewe sifa. Tuna babiana tatu. Nous avons trois jeunes. Mungu apewe sifa. Dieu soit glorifié. Mukaribie dada. Approchez. Amupoteshe. Dans le cas contraire, Muna gagné. Muna gagné qui dit qu'il y a béi. Ni pour amener Jésus-Christ à voir mon corps. Gloire en Jésus-Christ comme sauveur. Dieu baraka mon aîné. C'est ça le la grande. Comme quoi qu'on a ouïe dada, frère. Si tu es sûr, mon frère, viens. Ne dis pas que je suis d'abord les enfants. La parole de Dieu dit. Quand tu écoutes ma voix. N'investis pas ton cœur. Karibia. Approche. Tu ne vas rien perdre. Nous t'attendons. Si tu es dans l'autre salle, viens. Si tu es au balcon, descends. Si tu es à l'extérieur, entre. Leo ni siku ya neema yako. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. Ma siku yote haifananake. Et tous les jours ne se ressemblent pas. Ah, yeye vile vitakufikia magharibi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver le soir. Kama uko huko karibia. Si tu es là, approche. Maintenant que je suis en Zaman, je suis ma mène. Voilà tout en magote. Qui l'a montré au moins à mon sombre chicha? Chacun a été. On a dit à Kamaya Zari Kamale à Piri. Vous voyez si j'ai dit demande à Dieu. Kamaya Patarum Takatifu. Si tu n'as pas encore le temps, demande à Dieu. Demande à Dieu. Prions tous ensemble. Et vous qui avez fait vos péchés, prions tous ensemble.